pourtant elle a passé le cap de la Vierge Marie. Elle est si belle, une star, une vraie zèle que l'on couvre de baisers sur des posters, celle qui nous fait tant rêver. Des bâches aux badouches, interview télé, promotion de qualité. Je l'aime, jure de dire la vérité, j'en suis fanatique. Reine de la nuit, le jour elle se terre, ne vit que pour ses fans et sur scène lors de ses concerts. Un autre monde, elle habite sur un nuage de la neige, plein le zen de la pluie sur le visage. Meurtri, showbiz, paradis, vous pensez, c'est pas la limousine qui fait que l'étoile se met à briller. Un billet de première classe pour la grande classe, c'est bientôt l'impasse. Elle sait qu'elle joue avec le feu, reçoit une tonne de menaces. C'est très dangereux de vouloir devenir une idole. Sur ma vie, je t'aimerais, t'aimerais ma baby doll. Je sais de quoi je parle, et si j'écris ces mots ce soir, pas évident d'être heureux quand on est marié à une. Son trou à rat, Nathalie subit le sexe fou du ras-le-bol. Son gagne-pain, lit sous alcool, star du X, rural jadis, mère d'un fils ex, paumé dans un rêve de force, les fantasmes, gros sélectisme, briseuse de ménage, absence de méninge, sa vie s'enfonce dans le mensonge, montée des marches à Cannes, trucage, fond de gouffre, jeune carrière à bout de souffle, siffle son jean, sosie de Marilyn, fini au plus bas, standing, objet de travaux manuels, star au Mexique, le but c'était Paris, Los Angeles, sans voir la poisse au Mexique. Kamikaze par dépit, destiné loupé, flop grotesque, lock presque pleine, souvent au bar, roubine, bonne poire, péripatéticienne notoire, entraîneuse faut le dire, étoile filante, boudée des regards, Nathalie, stagne encore au bar, dépêche-toi, je ferme le comptoir, des confidences, je suis barman dans ce club de pop. Mais ça, c'était à des années-lumière. Ensemble, taquini, tobacco, survêt, laser, pas de blazer. On niquait la misère. À cette époque, c'était on s'en bat les couilles, était comme hiver. Aujourd'hui, Doumbia, rap star dans le showbiz. Tu veux me serrer la main, mec? Un vœu qui se réalise, alors je mène la belle vie et vise le sommet. On me dit que j'ai pris du poids, c'était le conseil de mes ex-voisines de palier. Un pot à payer, l'ennui, je suis devenu solvable. Autant de farine sur mon sofa que de billets sur la table. Ici, soirée VIP, cercle fermé. C'est moi la resta, on me respecte de Paris jusqu'à Saint-Tropez. J'ai vendu près d'un million d'albums et tout pour ma pomme. Rien pour les chiens, un tiers pour ma mère et pour les frangins. Pour les gens, je suis le dégât dans la grosse vedette. Mais dans ma rue, je ne suis qu'un tocard qui a pris la grosse tête.